Chapitre 14. 6 mois s'écoulèrent ainsi. Le carnaval était venu. C'est en Russie plus que partout ailleurs une époque de distraction et de plaisir mondain. On s'amuse partout, quitte à s'ennuyer pendant les 7 semaines qui suivent. Madame Sekourov ne pouvait pas procurer de grands plaisirs à Ariane. Son peu de fortune s'y opposait, aussi bien que ses goûts presque monastiques. Cependant, elle aurait voulu la conduire à l'opéra, mais le maître de chant s'y était opposé. « Pas encore, » avait-il dit. « Quelle mouche vous pique? Quel diable vous presse? Elle aura le temps de se gâter le goût. Vous avez la chance d'avoir une pupille qui n'a rien vu de mauvais ou même de médiocre. Il faut que vous alliez lui pervertir le sens. Voulez-vous qu'elle se mette à roucouler comme les sopranos italiens ?» Madame Sekourov prit la bourrade du maître pour ce qu'elle valait, c'est-à-dire pour un excellent conseil, et Ariane n'alla point à l'opéra. En échange, l'excellente femme voulut lui procurer un divertissement moins périlleux et plus populaire. Le dernier samedi du carnaval, elle emmena la jeune fille voir les balaganes. On appelle balaganes des théâtres et des jeux forains établis pour cette époque sur la longue place de l'Amirauté, qui s'étendait entre le palais d'hiver et le Sénat, lorsqu'un square récemment planté ne la diminuait pas de moitié. Depuis les nouveaux embellissements, les balaganes ont été transportés au Champ de Mars, et le coup d'œil pittoresque que présentait la longue suite de bâtisses en bois ornées de découpures et de peintures a beaucoup perdu de son piquant. Dans le bon vieux temps, qu'est celui dont nous parlons, les théâtres pantomimes, cirques, ménageries, balançoires, chevaux de bois, montagnes russes, formaient un chapelet non interrompu de plaisirs populaires. Les phénomènes et les somnambules n'y faisaient pas défaut. L'originalité de ces spectacles n'était donc point dans leur essence même, mais dans le goût qui portait les gens du meilleur monde à en partager les plaisirs grossiers. Il était de bon ton pour la jeunesse élégante d'avoir été dans un ou plusieurs de ces édifices éphémères. Les dames n'y pénétraient guère, à moins que ce ne fût pour satisfaire un caprice de leur mari ou de leurs enfants. Mais les équipages de l'aristocratie pétербourgeoise défilaient pendant toute l'après-midi, suivant 2 courbes concentriques parallèles et très rapprochées, autour de cette rangée de construction qui mesurait plus d'un 1/2 km de long. Les rangs étaient contrariés, c'est-à-dire que les 2 files d'équipage allaient en sens inverse l'une de l'autre. De là, une grande multiplicité de rencontres, pour peu qu'on restât 1 heure ou 2 dans cette procession. Ces dispositions permettaient à bien des amoureux d'échanger des signes, à bien des coquettes débaucher des passions. Aucune mère prudente, aucune directrice intelligente n'eût dû y conduire ses filles. Cependant, un usage aussi ancien que la fondation des instituts y envoyait les demoiselles les plus méritantes, en plusieurs voitures de gala pompeusement traînées par 4 chevaux et ornées chacune de 2 grands laquais vêtus de rouge, sans compter un cocher tout pareil. Ces équipages magnifiques, tirés pour la circonstance des remises de la cour, allaient prendre les demoiselles à l'institut. On en entassait 7 ou 8 dans chacune de ces immenses berlines avec une dame de classe, et le convoi se dirigeait au grand trot vers la place de l'Amirauté. Là, les voitures prenaient leur rang dans la file, et pendant 1 heure ou 2, les jeunes recluses jouissaient du spectacle le plus mondain et le moins délicat qu'il fût possible d'imaginer. Ce n'est pas que le pittoresque qui fit défaut. Le plus bizarre véhicule avait le droit de prendre son rang, et nul ne se fut avisé de contester sa place au traîneau bas, traîné par un petit cheval trapu et têtu, que remplissait une famille estonienne non moins trapue et tout aussi têtue. Puis venaient des officiers de la garde, galopant et caracolant de leur mieux sur leurs magnifiques chevaux, des calèches de famille contenant des nichées de bébés blonds et bruns, sérieux comme il convient quand on est dehors, des jeunes filles rieuses, des mamans maussades et enrhumées par ce temps humide de dégel, et cependant accomplissant héroïquement le devoir de montrer leur progéniture aux allants et venants. De riches marchandes vêtues de lourdes étoffes de soie aux couleurs vives, coiffées d'un fichu de soie en pointe attaché d'une épingle sous le menton, qui dessinait strictement l'ovale arrondi de leur visage. Celles-ci étaient assises droites comme des cierges dans de superbes voitures à la dernière mode, attelées des plus beaux chevaux qu'on pût rêver, et certes rien n'était plus étrange que le contraste de ces costumes antiques et démodés avec les magnificences du luxe le plus récent. C'est tout cela, et 1000 détails encore, qu'Ariane contemplait avec curiosité. Cette foire aux vanités lui paraissait aussi amusante et aussi peu réelle que ce qu'on voit dans un kaléidoscope. Tout à coup, une apparition protestait de la réalité du spectacle offert à ses yeux. Le défilé des voitures de l'Institut, débouchant au grand trot sur la place, se joignit au cercle mouvant qui fut forcé d'interrompre un instant sa marche pour laisser s'introduire ce nouvel élément. Après un court arrêt, les voitures se remirent au pas et les jeunes instituts se penchèrent aux portières ouvertes pour mieux savourer le plaisir qui leur était si parcimonieusement refusé. Malgré les efforts des dames de classe, les jolies têtes curieuses s'avançaient à tout moment, cherchant dans la foule quelques visages de connaissance. Les trois premières voitures contenaient des fillettes, véritables enfants, qui battaient des mains à la vue des grandes affiches collées au mur des théâtres forains. Mais la quatrième voiturait les demoiselles de la classe sortante, et parmi elles, la jolie Olga. Celle-ci, assise à la portière de gauche, regardait curieusement, mais avec un certain dédain, les plaisirs de la populace. Son regard hautain parcourait les équipages qui venaient en sens inverse, et parfois répondait au salut de quelques dames, amies de sa mère, qu'elle avait vues au parloir. Tout à coup, elle aperçut Ariane, modestement assise auprès de sa bienfaitrice, dans une petite voiture de louage. Elle rougit de honte, et aussi de joie, se pencha vivement à la portière et cria « Ranine !» Étonnée d'entendre son nom en public, Ariane se dressa et aperçut son ancienne compagne. Olga, se voyant reconnue, lui jeta une poignée de baisers, malgré les mouvements désespérés de la Grabinov qui la tirait par ses jupes avec l'acharnement du désespoir. Pour se débarrasser d'elle, Olga rentra sa tête et lui jeta quelques apostrophes fort dures, probablement, car son beau visage n'exprimait rien de respectueux. Puis elle se remit à la portière et ne cessa de faire des signes affectueux à Ariane que lorsqu'il lui fut impossible de l'apercevoir. Au moment où elle allait reprendre sa place, son regard rencontra celui du jeune Batourov, le neveu de la supérieure, qui montait un cheval anglais de toute beauté et se donnait le plaisir de le taquiner un peu. Le jeune homme cherchait depuis un instant à rencontrer le regard d'Olga, car il lui en coûtait de laisser inachever le joli roman qu'il avait espéré clore par un mariage. Il guettait donc la jeune fille et lui décocha le plus tendre regard que jamais un officier de cavalerie eût trouvé dans son arsenal. Mais aux surprises, les yeux d'Olga, si doux tout à l'heure, quand elle salua Ariane, prirent une expression de mépris indicible. Elle regarda Batourov en clignant un peu comme une personne myope qui cherche à reconnaître un visage peu connu, et elle détourna la tête avec l'indifférence d'une demoiselle bien élevée qui ne veut pas s'apercevoir qu'on la trouve jolie. Le jeune homme fut si stupéfait de cet accueil qu'il faillit se laisser désarçonner par un écart. S'étant un peu remis, il alla chez lui méditer sur sa mésaventure pendant qu'Olga et ses compagnes poursuivaient leur promenade. La jeune patricienne venait de comprendre alors seulement l'étendue de son imprudence. Jusqu'alors, elle n'avait vu dans ses rendez-vous nocturnes qu'une espièglerie répréhensible. En recevant le regard de cet homme auquel elle avait donné le droit de lui parler ce langage muet, elle comprit qu'elle avait joué son honneur, et sa pitié pour Ariane, chargée de sa faute, en devint plus douce et plus tendre. 3 mois plus tard, par une belle matinée de juin, Ariane, toujours accompagnée de Madame Sekourov, qui avait véritablement entrepris la tâche d'une mère, passait devant la porte de l'Institut en se rendant à sa leçon de chant. Elle vit nombre de voitures de maîtres qui attendaient le long du trottoir. « Que se passe-t-il donc à l'Institut ? » demanda-t-elle à sa mère adoptive. « C'est la sortie, » répondit celle-ci, tout en regrettant de n'avoir pas été informée à temps pour épargner à Ariane une émotion peut-être pénible. Depuis l'événement qui avait jeté l'orpheline à son foyer, elle n'avait plus eu avec la supérieure que des rapports distants et superficiels. Toute sympathie avait disparu entre les deux femmes à partir du jour où l'innocente avait payé pour les coupables. Madame Sekourov jugeait sévèrement la supérieure, et celle-ci, se sentant blâmée, n'aimait pas la présence, ni même le souvenir de son ancienne amie. Une voiture qui attendait devant la porte qu'on eût fini de monter, partit au grand trot de 2 chevaux de race, et assis auprès d'une belle personne d'environ 36 ans, sa mère, Ariane aperçut Olga. C'était elle, méconnaissable pourtant, car le costume élégant d'une jeune fille du grand monde avait remplacé l'uniforme de l'Institut. Vêtue d'une robe de rose soie pâle, coiffée d'un chapeau de paille orné de rose, drapée dans des flots de mousseline brodée, Olga n'était plus que bien peu semblable à elle-même, mais elle était plus belle que jamais. « Mon Dieu, qu'elle est jolie !» s'écria Ariane. Madame Sekourov reporta ses regards de l'une à l'autre des jeunes filles. Dans sa robe de laine grise avec son petit chapeau de paille noire, Ariane était encore plus jolie que la princesse Olga, car désormais, c'est ainsi qu'on devait la désigner. Tout cela s'était passé bien vite, car, avant que la voiture eût dépassé les promeneuses, Olga avait aperçu Ariane. Sa main fine, gantée de gris perles, se posa sur le bord de la portière et elle salua en souriant sa compagne déshéritée. « Elle a mon cœur, » soupira Ariane. « C'est bien à elle de se souvenir de moi après ce qui s'est passé. » Madame Sekourov étouffa encore le désir d'éclairer la jeune fille sur sa véritable situation. À quoi bon mettre dans cette jeune âme une semence de rancune et de haine? La voiture s'éloigna rapidement. Plusieurs autres la suivirent, dépassant les deux modestes piétonnes. Mais personne ne songea plus à saluer Ariane. « Je serai sortie aussi aujourd'hui, » dit celle-ci en montant l'escalier de son maître. C'était sa première parole depuis l'apparition d'Olga. « Le regrettez-vous ? » demanda Madame Sekourov au moment où sa protégée tirait le bouton de la sonnette. « Non, certes. Ce que j'ai vaut mieux que tout ce que j'aurais pu avoir, » répondait la jeune fille. « Et j'ai gagné 8 mois d'études et de tendresse, » ajouta-t-elle en regardant sa seconde mère avant de passer sous la porte qui venait de s'ouvrir.